Les participants à la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti ont assisté aux représentations artistiques dans les théâtres à la ville de Pyongyang. Au théâtre d'art Bonhua, ils ont vu l'épopée musicale exaltant vivement les exploits révolutionnaires immortels du général Kim Jong-il, tournée d'inspection du général. Le grand théâtre de Pyongyang a donné l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution » montrant une combattante inflexible, et le théâtre dramatique d'État de Pyongyang a abrité une pièce de théâtre, la Lignée, représentant la classe ouvrière du complexe de ciment de Sangwon. Au cirque de Pyongyang, ils ont assisté à la représentation d'ensemble du cirque national. Par ailleurs, ils ont visité le muséum de la nature et le zoo central.